La Bible David Martin 1855. Première épître de Saint Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1. Paul, appelé par la volonté de Dieu, à être apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés en Jésus-Christ, qui êtes appelés à être saints, avec tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Je rends toujours grâce à mon Dieu à cause de vous, pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée en Jésus-Christ. De ce qu'en toute chose vous êtes enrichis en lui de tout don de parole, et de toute connaissance. Selon que le témoignage de Jésus-Christ a été confirmé en vous. Tellement qu'il ne vous manque aucun don, pendant que vous attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui aussi vous affermira jusqu'à la fin, pour être irrépréhensible en la journée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, est fidèle. Or je vous prie, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous parliez tous un même langage, et qu'il n'y ait point de division entre vous, mais que vous soyez bien unis dans un même sentiment, et dans un même avis. Car, mes frères, il m'a été dit de vous, par ceux qui sont de chez Chloé, qu'il y a des dissensions parmi vous. Voici donc ce que je dis, c'est que chacun de vous dit, pour moi, je suis de Paul, et moi, je suis d'Apollo, et moi, de Céphas, et moi, de Christ. Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? Je rends grâce à Dieu que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispu et Gaïu, afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom. J'ai bien aussi baptisé la famille de Stéphana, du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelque autre. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour évangéliser, non point avec les discours de la sagesse humaine, afin que la croix de Christ ne soit point anéantie. Car la parole de la croix est une folie à ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est la vertu de Dieu. Vu qu'il est écrit, j'abolirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des hommes intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas manifesté la folie de la sagesse de ce monde? Car puisqu'en la sagesse de Dieu, le monde n'a point connu Dieu par la sagesse, le bon plaisir de Dieu a été de sauver les croyants par la folie de la prédication. Car les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Mais pour nous, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs, et une folie pour les Grecs. À ceux, dis-je, qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, nous leur prêchons Christ, la puissance de Dieu, et la sagesse de Dieu. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Car, mes frères, vous voyez votre vocation, que vous n'êtes pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde, pour rendre confuses les sages, et Dieu a choisi les choses faibles de ce monde, pour rendre confuses les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles de ce monde, et les mépriser, même celles qui ne sont point, pour abolir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui vous a été fait, de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification, et rédemption. Afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie au Seigneur.